Au fait, ça rappe grave ici, qu'est-ce que ça fume aussi. Tu veux de la technique, voilà une compile avec l'équipe. De la rime nocive, y'a rien de gravissime. C'est la vérité qui t'a dit qu'on était agressif. On nous nomme les difficiles, crois pas, c'est pas facile. On essaie d'oublier ça avec de la résine. On se crête ma gueule, c'est comme ça qu'on m'a dit. Une cabine téléphonique à une heure précise. Allô, j'entends. Ouais, le gueux, ouais, qu'est-ce que ça fait? Ouais, je me répète, bien quoi, famille? T'es pas chaud là, viens dans le 07. Comment ça? Petit projet, fait un truc carré. Comme le son? Ouais. T'es chaud? Ouais, bébé. Ah, sûr, frère, tu te réveilles, régale. Toujours, hein, plus ou moins, toujours. Attends, c'est qui là? C'est deux F? Ouais. Ouais, c'est Yannick, vas-y, monte les chansons là. Vas-y, t'inquiète, y'a de la PR. Y'a des instruits, t'inquiète, on va kicker ça, mon pote. Vas-y, frère, allez, je vais arriver là. Attention, écoute, y'a quoi? Y'a 1h30, 2h de route, pas plus. Vas-y, t'inquiète, pour deux, deux, pour dix, frère. Ok, mon pote, vas-y, ça marche. Avec les nerfs, je me suis forgé un bête de caractère. Ça, je t'inquiète, on t'attend. Ouais. Les muses règnent, DEZEF, moi-même, Beretta, Faizo, HK, KIZ, Mede, Mede, YAFI, Sergent, un son de voix, Monotop, Moustaki, Esco, t'inquiète, fais pas la fête.